musique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrey, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1968, la suite, deuxième émission. Après tant de politique, de pavés urbains battus, d'odeurs de cocktails Molotov flottant dans les rues, il était bien naturel que les programmes d'été de France Culture célèbrent la nature. Nous vous proposons d'écouter maintenant Les choses de la nature, une émission pour l'été de François Le Lyonnais et Jeanne Rollin-Weiss. Les vacances, elles durent un mois, pour les adultes évidemment. Et je n'irai pas jusqu'à dire que l'on passe ensuite 11 autres mois à attendre les vacances suivantes. Mais tout de même, elles représentent sans doute pour chacun le moment le meilleur de l'année. On quitte les villes, leurs usines, leurs magasins ou leurs bureaux pour reprendre contact avec les vagues, la forêt, la campagne, la montagne. On ne tourne pas le dos à la civilisation, mais tout de même, on prend quelques distances avec elle et c'est une bonne chose. Aussi pourriez-vous être inquiet d'apprendre que France Culture vous invite à écouter des émissions de vulgarisation scientifique chaque semaine pendant cette heureuse période de détente. Rassurez-vous et ne tournez pas le bouton de votre poste trop tôt. Nous ne parlerons ici que de nature, et d'une nature, en quelque sorte, en vacances, comme vous l'êtes vous-même. Il y a tant de choses, dans les bois, dans l'air, comme par terre, auprès desquelles vous avez l'habitude de passer, sans vous rendre compte de tout ce qu'elles pourraient vous offrir d'intéressant. Les bords des routes, les vagues, les nuages, les vieux murs, les champignons, les trous dans le sable, les oiseaux et les poissons, que sais-je encore. C'est tout cela, et bien d'autres choses, que vous trouverez sur France Culture, en principe tous les vendredis, à 20h à partir d'aujourd'hui. En principe, tout était donc possible au lendemain des événements de mai, même des émissions nomades aux heures de diffusion aléatoires. Sans doute que les rendez-vous furent en fait fixes, attendus et respectés. Et ainsi, dès la première émission, d'excellents conseils furent-ils dispensés aux touristes. Mais en effet, voici la période des vacances et l'extériorisation d'un besoin universel d'évasion vers la nature. C'est l'exode vers l'air pur, les grands espaces naturels, vers le calme. Et c'est là où nous retrouvons justement l'intérêt de la nature. Mais que risquent de trouver nos touristes ? Sinon, là aussi, l'empoisonnement des eaux, la détérioration de l'atmosphère par la pollution et par le bruit, l'absence de la végétation et de la faune, la dégradation spectaculaire des paysages. La Côte d'Azur et la Côte bretonne, les collines de Provence, les vallées des Alpes se couvrent de constructions inadaptées aux paysages, taillant dans les bois, dans les prés, au bord des ruisseaux, aliénant et accaparant la nature au profit de quelques-uns au détriment de tous. Mais dites-moi, comment les touristes risquent-ils de nuire à la nature ? Ils pourraient sans doute prendre bien volontiers quelques précautions. Eh bien, c'est sans qu'ils s'en rendent compte que le touriste dégrade ces milieux. En effet, par exemple, les dégâts constatés sont dus au vandalisme, au dépôt de détritus après les pique-niques, au piétinement et au feu clandestin. On compte chaque année plusieurs dizaines de milliers d'hectares détruits par des incendies dus à l'imprudence. Et sur les côtes ? Et sur les côtes, eh bien, les dégâts causés par les estivants tout au long des plages sont inimaginables et inestimables. En effet, tout est ramassé lorsque l'on pêche sur les bords des côtes. Tout est ramassé pêle-mêle, gros, petit. Et lorsqu'en rentrant, on fait le tri, On jette aux ordures les animaux incomestibles dont la communauté biologique marine sera privée l'année suivante. Les minuscules tourteaux, les bébés étrilles, les larves de crevettes, etc. On emploie le râteau pour faire un sac de coquillages dont on ne consommera qu'une partie. On retourne sans les remettre en place les pierres et les galets couverts de mousse et d'algues en oubliant que la végétation sera étouffée et pourrira et que la faune qui était à l'abri périra elle aussi au grand soleil. La rentrée sociale, scolaire, puis universitaire, c'est pour bientôt. Mais nous ne sommes qu'au mois d'août, le 12 août, et l'actualité ne s'arrête jamais. Élections présidentielles américaines en vue, le Vietnam, les affaires estudiantines françaises, sans oublier l'ORTF. Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est 20h. Voici Interactualité que présente Henri Pajot. Aujourd'hui, notre ministre des Finances, M. Ortoli, a examiné une dernière fois avec le Premier ministre le projet de budget pour 1969 qui va être soumis demain au Conseil des ministres. Conseil présidé par le général de Gaulle qui sera rentré de Colombey les deux églises. Ce budget, M. Ortoli le veut positif, c'est-à-dire qu'il doit être un élément de relance économique. C'est ce qui explique l'importance de l'impasse. Cette relance s'amorce déjà, ainsi que nous allons le voir au cours de ce journal. Aux États-Unis, à deux semaines de la convention démocrate qui se tiendra à Chicago, le vice-président Humphrey est convaincu qu'il sera désigné au premier tour candidat à la présidence. Monsieur Humphrey a déjà affirmé hier soir au cours d'une interview télévisée qu'il était persuadé d'obtenir 1600 mandats au premier tour, alors que le quorum nécessaire pour la désignation n'est que de 1312 voix. Mais ses deux adversaires démocrates, les sénateurs McCarthy et McGovern, ne s'estiment pas battus d'avance, bien au contraire. Lors des élections du mois de novembre, ce seront essentiellement l'affaire vietnamienne et la question noire qui constitueront les chevaux de bataille des candidats. Et à propos du problème noir, le maire de Gary, une petite ville de l'Indiana, un maire qui est noir, estime que le Parti républicain, en désignant messieurs Nixon et Agnew, a tourné le dos aux gens de couleur. Ce tandem, par sa composition, peut donc être un handicap pour le parti de l'éléphant. La nuit dernière, les noirs du quartier de Watts à Los Angeles se sont heurtés à la police. Les bagarres ont fait 3 morts et 17 blessés. Ces manifestations coïncident avec le 3e anniversaire des émeutes de 1965, qui avaient été beaucoup plus sanglantes. Pourtant, ce soir, 2000 policiers et la garde nationale de Californie sont en état d'alerte. De leur côté, les Nord-Vietnamiens estiment que les positions de messieurs Humphrey et Nixon ne sont pas susceptibles de modifier la situation au Vietnam. Le chef de la délégation nord-vietnamienne aux conversations de Paris a critiqué le programme de monsieur Nixon, qui prône, a-t-il dit, un renforcement du gouvernement de Saïgon. Quant à M. Humphrey, sa récente déclaration optimiste sur les pourparlers de Paris est inexacte, a dit le porte-parole de Hanoï. Les affaires estudiantines. Les déclarations de M. Edgar Faure, ministre de l'Éducation nationale, sur les libertés politiques à l'université continuent de susciter des réactions de la part d'organisations d'enseignants ou d'étudiants. Après la prise de position hier du mouvement universitaire pour la réforme contre l'introduction du débat politique à l'intérieur de l'université, c'est aujourd'hui le syndicat autonome des facultés de lettres qui proteste à nouveau. En effet, ce syndicat rappelle la situation très grave des facultés de lettres où tous les moyens d'expression ont été monopolisés par les extrémistes. D'après ce syndicat, à la Sorbonne, à Nanterre et dans plusieurs facultés de province, les communistes même ont été réduits au silence. La Fédération des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur est l'une des 3 organisations d'enseignants du supérieur, aux côtés du syndicat national de l'enseignement supérieur et du syndicat général de l'éducation nationale. Un nouveau mouvement étudiant, la Réunion des associations parisiennes des étudiants en lettres, vient de se constituer. Son sigle, le rappel. Le rappel invite tous les étudiants désireux de préserver les libertés universitaires à prendre contact en vue de créer des fédérations plus larges. L'UNEF, on le sait, a déposé un recours devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des concours d'agrégation et du CAPES 1968. Et aujourd'hui, dans un communiqué, le comité de défense et des réformes des concours s'indigne de la mauvaise foi avec laquelle l'UNEF présente les irrégularités commises. Le comité de défense et de réforme des concours se déclare prêt à prendre toute initiative pour défendre les intérêts des lauréats. Enfin, la Fédération de l'Éducation nationale a rencontré les représentants de l'intersyndicale de l'ORTF et de l'Union des journalistes de télévision. Ensemble, ils ont examiné les licenciements à l'ORTF et estiment qu'ils soulèvent de graves problèmes d'ordre syndical et juridique et posent le problème fondamental de l'objectivité et de la liberté de l'information. Moi aussi j'ai en tête beaucoup de chagrin. Dans les blés de la plaine, je suis déjanté. Auprès de Madeleine, dans l'eau de cette source, nous buvions tout droit. La vie était si douce, si pleine de joie. Chantons tous les deux, un autre jour peut-être, on sera heureux. Alouette, alouette, messieurs, tout va mal. Il faut faire la fête, je t'emmène au bar. Viens donc sur mon épaule, viens te réchauffer. Tu verras, je suis drôle, je sais bien danser. Et puis si tu t'embêtes, tu viendras chez moi. Il y aura des noisettes. Alouette, alouette, l'amour et l'été, comme les cigarettes s'en vont en fumée. Non, ne t'en fais pas, alouette, alouette, l'été reviendra. Non, 68, ce n'est pas terminé, tout continue autrement, c'est tout. On revendique, jusque dans l'émission La Semaine littéraire. La Semaine littéraire, magazine de l'actualité, romans et poésie. Une émission de Roger Vrigny. Nous savons que cette période, Bernard Pivot, a été une période de contestation. Il me semble qu'à ce sujet, vous avez un petit écho à nous donner d'une contestation, il me semble, extrêmement judicieuse et qui concerne la Bibliothèque nationale. Oui, je crois qu'il est de notre devoir, dans une émission culturelle, de signaler ce qui se passe à la Bibliothèque nationale, car d'ailleurs, beaucoup de nos auditeurs sont des fervents de la Bibliothèque nationale. Un groupe de lecteurs animé par M. Guilherme, attaché au CNRS, s'est réuni en une assemblée pour présenter un cahier de doléances à la direction de la Nationale. Les principales de ces doléances, je vous les cite, ce sont l'insuffisance de l'accueil et de l'orientation, l'absence de lieux de rencontre et de détente, l'absence de confort, les horaires inadaptés, le fonctionnement peu satisfaisant des communications, l'insuffisance des usuels peu nombreux et périmés, le problème des acquisitions étrangères, enfin l'absence des instruments modernes de travail à l'intellectuel, vous savez, les machines à écrire, magnétophones, visionneuses, et puis aussi la carence, à mon avis très lamentable, de l'atelier photographique. Eh bien, espérons que ces doléances seront en quelque sorte consolées très rapidement et que tous les usagers de la Bibliothèque nationale recevront enfin la possibilité d'exercer leur activité d'une façon rapide et aussi plus confortable et plus agréable. Je voudrais aussi signaler que ces problèmes ne sont pas ceux seulement de la Bibliothèque nationale, mais de toutes, mais de la plupart des bibliothèques françaises. Et côté littérature à proprement en parler, où l'on apprendra également quel fut le seul événement véritablement historique de l'année selon le chroniqueur, mais où l'on entendra aussi s'exprimer un écrivain tchèque de passage à Paris, pas encore célèbre, il le deviendra bientôt. Jean Chouquet. Edith Lansac. Propose. Présente. Réalise. Récréation. Oui, récréation, deuxième récréation sur France Culture. Récréation dominicale de 12h37 à 14h35. Nous persévérons. Une bonne habitude. Oui. Et qui va participer à cette deuxième récréation? Eh bien, des écrivains, des professeurs, des critiques tout aussi doués que ceux qui ont participé à notre première récréation. Je les nomme. Oui. Gabriel Mazneff, l'auteur de l'Archimandrite. Philippe Soupeau, poète surréaliste. Jean Chalon, critique du Figaro littéraire. Henri Poledou, archéologue distingué. Milan Kundera, auteur tchèque. Hélène Tourner, Rémi Chauvin, professeur à la Faculté des sciences de Strasbourg. Des comédiens et des comédiennes, auteurs et interprètes, Marguerite Cassan, Hélène Bernsen, Jean Rochefort, Yvonne Clèche, Raymond Jérôme, Jean Negroni. Quelques cancres qui se piquent de culture. Et qui font des progrès. Bon, j'espère. Bertrand Jérôme, Émile Noël, Robert Arnaud, Gilbert Maurice Duprez, François Le Targa. Et puis tous les auditeurs de France Culture. Et ils sont de plus en plus nombreux, nous le savons. Vous le savez? Oui. Bien. Et qui vont jouer naturellement en direct avec nous au cours de cette récréation vers 13h avec leur téléphone et sous la direction du maître d'internat bien connu Jacques Fayet. Toujours très souriant. Premier jeu de notre récréation, celui que nous propose Gabriel Mazneff. Vous appelez ça un jeu? Oui, oui, c'est un jeu. Vous allez voir, vous allez plus entendre plutôt. Ce sont les Jeux Olympiques qui l'inspirent. Vous savez, oui, c'est l'actualité qui l'inspire. Oui. Et Gabriel Mazneff a l'art de traiter de l'actualité dans tous les domaines, d'une façon, disons, un peu grinçante. Oui, plutôt. Mais charmante et pleine d'humour. Les Jeux Olympiques sont tous les 4 ans une excellente occasion pour le chauvinisme sportif de s'exacerber. Cela n'empêche pas les chroniqueurs de publier des articles émus, où ils célèbrent, avec des trémolos de plumes, le rôle pacifique que sont appelés à jouer les athlètes sélectionnés. Ce thème de la trêve sacrée est pain béni pour les journalistes en mal de copie, qui brodent dessus inlassablement. Il suffit d'ailleurs d'aller consulter à la Bibliothèque nationale la presse d'il y a 4, 8, 12 ans, pour comprendre qu'il s'agit toujours des mêmes articles, des mêmes poncifs, de la même bonne vieille démagogie idéaliste, du même plat réchauffé. Il n'y a que la sauce qui change. Dans une de ses lettres à son ami Atticus, qui se trouvait alors à Athènes, Cicéron lui demande de lui renvoyer des Hermès et des Minerve de marbre, avec tête de bronze, propres à orner un gymnase. Quae gymnasiodé, Cicéron emploie le mot grec, gymnasiodé, maxime sonte. Mais sans doute dois-je m'excuser de citer du latin et du grec, ces langues obscurantistes, en un temps où l'on me dit que l'université française s'apprête à jeter ses vieilles disciplines par-dessus bord. Quoi qu'il en soit, et c'est là où j'en voulais venir, je ne suis pas certain que nous gagnions au change en remplaçant dans les gymnases de Mexico les statues d'Hermès et de Minerve par celles du secrétaire général de l'ONU. La seule nouvelle vraiment agréable qui nous parvienne de Mexico, c'est la publication du nouvel album des aventures d'Astérix et d'Obélix, Astérix aux Jeux Olympiques. Je l'avais déjà lu en feuilleton dans Pilote, qui est l'unique hebdomadaire littéraire que je lise régulièrement. Cette histoire antique, farcie d'allusions à notre monde moderne et drôle, de ce comique facile fondé sur les anachronismes, mais il faut marquer avec force que ce ne sont pas Astérix ni Obélix qui peuvent porter ombrage à la suprématie de Tintin et de Milou. Goscinny et Uderzo sont à notre cher Hergé ce que Paul Féval est à Marcel Proust. Ces aventures gauloises sont divertissantes sur le moment, mais elles n'ont pas de postérité. Au lieu que dans 50 ans, nos petits-fils continueront à se passionner pour Haddock, pour Professeur Tournesol et pour les deux Dupont, T et D. Bon nombre des exploits de Tintin se passant dans le bassin méditerranéen, l'or noir, le crabe aux pinces d'or, ils me sont une occasion de m'étonner que l'on ait fait si peu de bruit autour d'un événement historique, le seul événement véritablement important de cette année, du point de vue de l'éternité, qu'est la restitution à l'église copte, par l'église romaine, des reliques de Saint-Marc, qui depuis des siècles reposaient en exil à Venise. Venise, la ville des bonheurs fugitifs et des mélancolies subtiles, Venise, la cité marine aux sortilèges et aux maléfices multiples, qui, avec ses palais bâtis sur les flots, ses églises byzantines, les eaux mortes de ses canaux que fendent des barquerolles funèbres, semble être le rêve minéral de quelque magicien fou. Ville peuplée de fantômes, fantômes elle-même, surgit des flots comme la cité fabuleuse des légendes russes, et qui y retournera le jour que la barbarie se lancera à l'assaut de cet ultime refuge de la beauté et du songe. Retour du monde, Hélène Tournaire. En effet, chaque dimanche, Hélène Tournaire rencontre un écrivain ou un voyageur de passage à Paris. Aujourd'hui, Milan Kundera. Oui, Milan Kundera est un écrivain tchèque, un romancier, un poète tchèque de passage à Paris. Jeune encore, puisqu'il est né à Brno en 1929. C'est le fils d'un pianiste tchèque mondialement connu. Et en fait, c'est son premier roman traduit en français, préfacé par Aragon. Ce roman s'appelle La plaisanterie. Milan Kundera a imaginé ce roman comme un roman d'amour, mais avec les événements actuels de Tchécoslovaquie, les circonstances que nous connaissons, ce roman prend une deuxième dimension et prend une résonance idéologique. Le livre que Milan Kundera publie maintenant chez Gallimard, La plaisanterie, a été achevé en 1965. Ce livre se passe à la fois pendant la durée d'un week-end et de 1947 à 1965. C'est une construction compliquée. Et Aragon tient ce livre pour une œuvre majeure. Il écrit que ce roman éclaire, plus que toute œuvre d'histoire, la situation qui s'est créée en Tchécoslovaquie au cours des 20 dernières années. Milan Kundera, je crois que c'est vrai, je crois qu'Aragon a raison. Ce que j'aimerais que vous nous disiez, ce sont les différences essentielles entre le caractère tchèque tel que nous connaissons, par exemple, par les aventures du brave soldat Schweg, et le caractère russe, plus spécialement le régime stalinien. Le caractère tchèque qui est écrit dans le livre célèbre de Hašek, c'est un caractère vraiment anti-romantique, anti-mystique, alors toujours anti-fanatique. Un caractère assez rationnel, assez critique, assez analytique, assez sceptique. Comment on peut très bien expliquer par les conditions historiques de développement de ces nations. Le plus grand nationaliste tchèque, ce fameux Masaryk, oui, le président de la Première République tchèque, a commencé sa carrière avec une critique cruelle du nationalisme tchèque, du caractère tchèque, par une critique terrible de tous les mythes nationalistes tchèques. Alors, ce nationalisme tchèque a eu toujours un caractère analytique et critique. Ça, j'aime beaucoup à mon peuple, ce sens d'autocritique et ce sens de scepticisme. Et naturellement, ce caractère est tout à fait incompatible avec la mentalité de la dictature, avec la mentalité fanatique et religieuse du stalinisme. Il faut tout de même donner l'argument de ce roman. Le héros, Ludwig, est amoureux d'une jeune étudiante, très belle, à laquelle tout le monde fait la cour, mais qui a une tendance à tout prendre au sérieux, terriblement au sérieux. Et cet adolescent est pris dans les timidités naturelles à l'adolescente et le désir de critiquer un peu ce qu'on aime, parce qu'on fait toujours cela quand on est très jeune. Elle part dans un camp de travail agricole, elle écrit à son amoureux resté à Prague une lettre fanatique de ce camp d'agriculture, et lui, qui est choqué parce qu'elle est heureuse en étant loin de lui, répond par une carte postale sur laquelle il écrit « Excusez-moi de prendre une liberté avec le texte parce que nous sommes à la radio. L'optimisme et l'opium du genre humain, l'esprit sain pue la sottise, vive Trotsky !» Signé Ludwig. Et qu'arrive-t-il lorsqu'on reçoit cette carte postale? Par cette plaisanterie a commencé toute l'histoire de ce roman. Toute l'histoire qui finit aussi par une plaisanterie, mais par une plaisanterie assez cruelle. Ça nous rappelle singulièrement Prague cet été au mois d'août. Oui. Il y a plusieurs plaisanteries cruelles à la fin du roman. C'est une plaisanterie, plusieurs facettes. Ludwig a voulu séduire une journaliste de la radio qui est la femme de l'homme qu'il avait séparé de la femme qu'il aimait. Et c'est une plaisanterie, il veut la détruire. Mais elle est aussi hystérique en amour que dans son observance politique. Oui. Et c'est la fin du héros. Ce qui me frappe aussi, c'est que parmi les trois femmes qui sont dans ce roman, Marquessa la première, Lucie, qui est un amour assez pur, est très beau, c'est une fille de la campagne qui, dites-vous, n'est qu'à peine effleurée par l'aile de l'histoire, et Hélène la dévoreuse. Il semble très difficile, en Tchécoslovaquie sous le régime stalinien, de séparer la vie privée de la politique. Oui, c'était très difficile. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, alors j'ai pensé que je commence à écrire un roman d'amour. Et puis, j'étais assez étonné, et parfois aussi un peu désagréable, étonné, que tout le monde considère ce roman comme un roman politique ou un roman idéologique. Mais l'amour de ce temps était terriblement déterminé par des conditions sociales et historiques. Alors cet amour qui est écrit dans ce roman, cet amour est assez méchant, c'est un mauvais amour, c'est un amour assez sadique. Et je crois que cet amour exprime les douleurs essentielles de ce temps. Milan Kundera, vous habitez Prague, vous y avez vécu les événements et vous en arrivez maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, l'union de tous les peuples qui composent la Tchécoslovaquie est totale? Je pense que cette unité de tous les deux peuples, alors de peuple tchèque et slovaque, et de toutes les couches de la société, est, je ne vais pas dire totale, mais presque totale, est formidable et étonnant, aussi pour moi étonnant. Quelle résonance votre livre « La plaisanterie » a-t-il eu en Tchécoslovaquie? Il y a beaucoup de difficultés quand ce livre était au manuscrit. Alors, l'apparition de ce livre était assez retardée. Mais quand ce livre est paru, il avait un succès assez grand. Et je dois constater qu'il a eu un succès aussi dans la presse assez officielle. Il ne faut pas schématiser les conditions dans les pays socialistes. Nous vivions sous le Novotny, qui était un staliniste assez fort. Mais dans les dernières 4 ou 5 années, l'autonomie de l'art était chez nous assez grande. La liberté dans ces sphères était aussi assez grande. Alors, il ne faut pas avoir ce janvier comme une chose qui n'était pas préparée. Ce janvier était déjà beaucoup des années préparé. Il y a dans votre livre, La plaisanterie, l'histoire d'un garçon qui fait de la peinture et qui est renvoyé parce qu'il fait de la peinture abstraite. Est-ce que c'est encore concevable maintenant? Non. C'est un phénomène très typique pour les premiers 5 ou 10 années de la période stalinienne. Mais maintenant, dans les dernières 5 ou 10 années, ce phénomène n'existait pas déjà. Il y a déjà 5 années que n'existait aucune censure, aucun tabou esthétique chez nous. La rentrée, on y est. Mais cet été aura compté dans l'histoire des vacances ratées, nous dit un journaliste. Peut-être de garde, peut-être un peu amer. Vacances ratées, pourquoi donc? Et voici Interactualité Matin. Au micro, Michel Forgite, Jacques Rousseau, Roger Jiquel, Paul Laporte. Les titres ce matin. L'Express Paris-Toulouse heurte un éboulement de rochers, 17 blessés légers seulement, grâce à la présence d'esprit du mécanicien. Conseil des ministres ce matin. Le budget 69, la loi d'orientation sur l'enseignement. Épilogue de l'affaire du Boeing d'Elal, Israël libère 16 détenus palestiniens. Social, hier, M. Couve de Murville a reçu successivement la CFTC et les cadres. Demain, rue de Grenelle, reprise des discussions patronat-syndicat sur les droits syndicaux dans l'entreprise. Séisme en Turquie, 15 morts, 200 blessés. Natation, fabuleux record du monde de 1500 mètres pour l'américain Mike Burton. 17 blessés donc, la plupart atteints seulement de contusions, c'est le bilan du déraillement du Paris-Toulouse cette nuit à 20 km de Limoges et c'est un miracle. Peu avant minuit, l'Express 1031 sortait à 120 km à l'heure d'un tunnel dans la traversée des monts d'Ambazac. Soudain, M. Chéron, le mécanicien, aperçoit dans les phares de sa motrice une énorme masse de rochers sur la voie. Il actionne ses freins, essaie de ralentir le convoi par tous les moyens, mais c'est déjà trop tard. La motrice entre dans l'obstacle, repousse devant elle une partie des rochers, l'attelage se brise, 13 wagons sur 17 se renversent sur la voie. Les secours arrivent, à la lumière des phares on dénombre les blessés, 17 avons-nous dit. Le plus gravement atteint est le mécanicien, il a une jambe fracturée. Sa vigilance et son sang-froid ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Il faudra 48 heures pour dégager les voies. Les quatre convois qui suivaient l'express ont été détournés et ont subi un retard de 2 heures. Il en sera probablement de même pour les autres trains. La gendarmerie procède à une enquête sur les causes de cet éboulement de rochers. Le mauvais temps n'y est peut-être pas étranger. Ce qui n'a rien d'étonnant car depuis 48 heures, le ciel tombe en morceaux. Sur la région parisienne, il pleut sans arrêt. Ce matin, les parties basses des routes sont inondées, ce qui ralentit beaucoup la circulation et la rend même dangereuse. Il n'y a pas eu de saison cette année, il n'y aura même pas d'arrière-saison. L'été 1968 comptera dans l'histoire des vacances ratées. Ah, il ne s'agissait que de météorologie. Elle a rentré donc. Elle se précise. Monsieur Edgar Faure, poursuivant ses entretiens avec les organisations étudiantes, recevait hier la Fédération nationale des étudiants de France. La FNEF a demandé des élections au niveau de l'université tout entière au scrutin de liste proportionnelle. Elle a souhaité aussi que les œuvres aient une compétence élargie à tous les domaines relatifs aux conditions de vie des étudiants avec un pouvoir réel de décision. De leur côté, le Cléru et l'ACES ont demandé à M. Edgar Faure un projet précis de concertation nationale réunissant les représentants des mouvements d'étudiants et d'enseignants de la façon la plus large et la plus libérale possible. Ces deux organisations ont obtenu l'assurance qu'aucun examen ne sera institué à la rentrée des facultés et que l'orientation ne sera pas impérative. À 15 jours de la rentrée, les jeunes élèves de 6e savent à quelle sauce ils vont être mangés. Leur horaire hebdomadaire est maintenu à 24h30. Les programmes des nouvelles classes de 6e comprendront 14 heures d'enseignement pour les disciplines fondamentales, français, mathématiques et langues vivantes, 8h30 pour les disciplines dites d'éveil, histoire, géographie, sciences naturelles. Un esprit sain dans un corps sain, l'expression reprend du service, car 2 heures d'éducation physique obligatoire sont prévues par semaine, ainsi qu'un après-midi de plein air. Les versions latines sont reportées aux classes suivantes. En effet, la suppression du latin est l'une des caractéristiques essentielles de la classe de 6e, QV 1968. Et tes fautes de français. de la chance. Adieu, Candy. Adieu. Adieu. Ils étaient dans la rue, peut-être même sur les barricades, quelques mois plus tôt. Puis, les uns et les autres ont fait leur rentrée. Matériaux pour une pédagogie. Une suite d'émissions composée par Harold Portnoy. Aujourd'hui, deuxième émission. Impression de rentrée. Avec la participation d'élèves de première et d'un professeur. Assistant Jacques Devin. À propos d'éducation en général et de pédagogie en particulier, seul plan qui retienne notre attention dans le cadre de cette série d'émissions, on peut dire que les événements du mois de mai ont été révélateurs d'un profond désir de changement, tant de la part des enseignants que de la part des élèves. J'ai personnellement assisté à de nombreuses commissions de travail. Certaines, du reste, poursuivent leurs efforts, aujourd'hui encore. J'ai mille fois entendu parler d'autogestion, de dialogue, de participation ou encore de non-directivité ou de respect de la personne. La passion était dans l'air, la détermination semblait sans équivoque, tout au moins pour ceux qui assistaient à ces commissions pédagogiques. Les mois ont passé et je voudrais, ici, poser cette question. En tant qu'élève, en tant qu'enseignant, quelles furent vos impressions de rentrée? Je dis impression car je suis persuadé que de nombreux éducateurs, que de nombreux élèves ne se sont pas encore suffisamment dégagés des réactions affectives qui les animaient avant les vacances. Réactions affectives où se mêlaient des considérations pédagogiques, idéologiques, ainsi que des querelles de clocher. Nous allons d'abord entendre deux élèves d'un lycée de la région parisienne. Ils ont 15 ans et demi et 16 ans. Ils sont en classe de première. Alors moi, ce que j'ai remarqué cette année, c'est en rapport avec les événements de mai. Au mois de mai, au mois de juin, il y a eu une espèce d'engouement, d'excitement dans la classe qui était assez formidable. Tout le monde était même énervé, était jusqu'à être énervé, on avait envie de faire quelque chose. Et maintenant, les vacances étant passées par là, il y a un peu de paresse. Alors les élèves sont assez amorphes. Alors évidemment, le professeur profite de ça, disant que vous avez beau dire que vous voulez participer, quand on vous demande de participer efficacement, bah, vous savez plus très bien quoi dire. Alors moi, j'attribue ça au fait que ce soit la rentrée et qu'on a besoin de se remettre un peu dans le bain. Alors pour l'instant, j'ai remarqué que dans la classe, c'était mou, c'était difficile à... Mais et je crois que certains professeurs qui ont suivi les événements de mai ont pris des positions quand même plus précises. Ils voudraient nous inciter à la participation. Ils essaient d'organiser des cours qui changent des cours de troisième ou qui changent des bachotages. Oui, voilà. Mais ils n'y arrivent pas tellement. Le contact n'est pas encore bien établi entre les professeurs et les élèves. C'est-à-dire que c'est tout nouveau. On ne sent plus du tout la même atmosphère dans le lycée, je trouve. Par contre, il y a certains professeurs réactionnaires, on peut dire, qui, eux, sont devenus de plus en plus réactionnaires. Il semble que les événements de mai les aient incités à continuer dans leur route. Ils veulent être plus méchants. Plus méchants? Oui, je crois. Enfin, ils sont un peu nombreux par rapport aux autres. Plus méchants, vous voulez dire quoi? Plus sévères. Oui. Moi, je pense qu'ils ont été un peu humiliés. C'est vrai que pendant les événements, on a eu tendance à pas mépriser ceux qui faisaient leurs cours. Alors maintenant, ils ont une espèce de vengeance, enfin, sourde. Et... Enfin, on a remarqué ça tous les deux, oui. Oui, là, vous m'avez fait part de sentiments un peu généraux. Je oui. souhaiterais, si vous voulez bien, que vous me parliez plus en tant que réaction personnelle. Par exemple, j'ai eu le sentiment que vous avez été un peu déçu par cette rentrée. C'est à travers vos propos que j'ai cru j'ai ressentir ça. J'ai été déçu sur le plan de l'organisation du lycée et de l'organisation, et si vous voulez, le plan de l'application concrète de ce qu'on avait dit dans les commissions. Parce qu'au lycée, on a eu des commissions qui avaient été assez poussées et qui avaient établi un cahier de doléances. Et finalement, il y a très peu de revendications, même les revendications les plus primitives, qui ont été concrétisées. Par ailleurs, j'ai une autre réaction, c'est de me dire que j'ai pratiquement pas travaillé depuis le mois de mai. Alors, j'ai quand même un sentiment de... un besoin de travail, si vous voulez, relatif. Mais enfin, j'ai un peu besoin de me remettre dans le bain, alors j'ai tendance un peu à... Oui, personne ne sait très bien encore ce qu'il veut, quoi. On est gêné de demander au professeur de reprendre des cours qu'on n'a pas fait. De même, ils doivent... reprendre le programme du troisième trimestre de l'année dernière. Parce qu'on n'est quand même pas tout à fait désintéressé et l'avenir ne peut nous préoccuper, si vous voulez. Je pense qu'on ne peut pas rester tout le temps sans travailler. Mais est-ce qu'il y a des points précis que vous auriez voulu voir évoluer ou transformer ? C'est en particulier, si vous voulez, dans les cours magistraux. Alors certains professeurs se targuent d'avoir toujours appliqué ces méthodes qu'on pourrait qualifier de non-directives et d'avoir appliqué la participation. Et alors si vous voulez, ils restent sur cette position et il n'y en a pas tellement qui ont changé leur cours, si vous voulez. Ils sont restés sur ce qu'ils faisaient avant parce que ou bien ils disaient que ce qu'ils faisaient avant c'était très bien, ils avaient appliqué la participation donc ils étaient tout à fait, on peut appeler, dans le vent, ou alors ils étaient déjà réactionnaires et continuent à employer ces méthodes réactionnaires disant qu'ils ne veulent pas changer et puis... Si on n'est pas content, on n'a qu'à s'en aller. Mais vous, oui. En dehors de cela, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez, enfin, par exemple, le mot participation, qui est ultra galvaudé à l'heure actuelle, on ne parle que de ça, on le met dans toutes les bouches. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour chacun de vous deux ? Bon, alors là, il y a un problème. Pour moi, si vous voulez, je crois que c'est pour tout le monde, la participation, par exemple, dans les cours, c'est de faire un exposé... chose comme ça. Alors, faire un exposé, ça demande quand même un certain temps de préparation. Alors, les professeurs disent, je veux bien que vous fassiez des exposés, bon alors, mais dans ce cas-là, j'ai déjà fait l'expérience d'exposé, et en général, ça se solde par un demi-échec, parce que les élèves ne préparent pas bien leurs exposés. Je pense que, si vous voulez, ça, c'est à mettre au compte d'un système qui est un peu trop chargé, donc on n'a pas suffisamment le temps de faire exposer. Par ailleurs, pour ma part, j'ai bien envie de faire des exposés cette année, et je suis prêt à participer. Et tout le monde voudrait participer plus étroitement, mais on attend quand même des professeurs qui nous aident un peu, qui nous mettent dans le bain. C'est-à-dire, la plupart des professeurs nous mettent devant le tableau, ils disent « Allez-y, participez, faites-nous votre exposé ». On voudrait quand même que ce soit moins brutal, qu'il y ait tout de même une adaptation à faire. Évidemment, le système des exposés est certainement meilleur que le système... d'autrefois, mais il faut s'y adapter. Oui. Mais pour vous, ouais. La participation se résume en quelque sorte à faire des exposés, c'est ça ? Enfin, à faire des exposés, puis à faire tout un travail en groupe. Pour l'instant, le travail se fait par individualité. Bon, il est bien connu qu'on établit la concurrence, on établit la primauté, c'est le meilleur qui va réussir. Bon, alors, enfin, mon idée personnelle, ça serait de supprimer complètement les classements, parce que j'aime pas cette méthode, si vous voulez, où on est obligé de faire mieux que l'autre, parce que si on fait pas mieux que l'autre, ben ça va se ressentir, ça va être marqué sur un carnet, et puis papa va pas être content, et puis etc, etc, et toutes les conséquences que ça va apporter. Alors, le travail en groupe, par ailleurs, est pratiquement inconnu, ou si vous voulez, les professeurs veulent bien qu'on travaille en groupe, mais sans nous guider. Alors, je pense que les professeurs ont quand même un rôle dans le travail en groupe. Évidemment, tout témoignage n'est représentatif que d'une situation particulière. Mais nous l'avons dit, cette émission est volontairement située au niveau des impressions. J'ai rencontré d'autres jeunes gens, d'autres jeunes filles, qui, eux, ne sont pas déçus et semblent beaucoup plus à même d'exprimer certains changements précis qu'ils sont en train de vivre. En vérité, ces derniers, malheureusement, sont nettement moins nombreux. Par ailleurs, sans doute est-il normal, et pas seulement d'un point de vue psychologique, que les élèves souhaitent voir leurs professeurs induire, eux, des transformations dans la vie de la classe. Déçus, Il rejette toute la responsabilité sur les enseignants. Cela aussi est normal, compte tenu du système éducatif traditionnel où les élèves sont le plus souvent passifs et où l'on brise, involontairement bien sûr, leur possibilité de créativité. Mais du côté des enseignants, comment cette rentrée a-t-elle été ressentie? Écoutons à ce propos un professeur d'anglais dans un lycée de filles à Paris. J'ai l'impression d'un moment d'attente, peut-être d'un tournant, si vous voulez, encore que ça n'ait pas l'air de tourner beaucoup. J'ai aussi l'impression d'un certain pourrissement. Je dis pourrissement parce que pas mal de jeunes en particulier sont assez déçus, espéraient voir des transformations dramatiques, c'est-à-dire spectaculaires, n'est-ce pas? Et ont l'impression qu'il ne s'est rien passé. Je pense qu'il s'est passé quelque chose et que ça prépare encore autre chose, mais je crois que les jeunes, dans l'ensemble, sont plutôt déçus. Ils sont certainement déçus et ils sont sur l'expectative, mais on peut se dire, est-ce que les professeurs ne sont pas eux aussi sur l'expectative? Vous savez qu'il y a cette situation assez embarrassante des textes que tout le monde ou que beaucoup attendent. Alors, cette attente des textes, c'est ou quelque chose de sérieux et on ne peut rien construire valablement si les textes qui doivent paraître ensuite doivent être publiés dans un autre sens et qu'il faille tous démolir, n'est-ce pas? Mais aussi, ça n'est pas très sérieux parce que quand on doit animer quelque chose sur des bases nouvelles et sur un élan, l'élan qui a été marqué, n'est-ce pas, au printemps dernier, il me semble qu'on n'attend pas vraiment tous les textes et toutes les indications d'élan à prendre, n'est-ce pas? On n'attend pas se parter. J'ai l'impression qu'il faut tout de même partir pour un certain nombre de choses, enfin, ne fût-ce que l'animation culturelle, n'est-ce pas? Les foyers socioculturels, vous voyez, par exemple. Mais alors là, les textes ne sont pas parus. Alors là, ça crée un grand embarras et bien des choses ne commencent pas ou très petitement à cause de cette incertitude de ce que seront les textes. Par exemple, y aura-t-il des crédits pour payer des animateurs ou pas? Faut-il se lancer déjà assez largement en conviant des animateurs de l'extérieur à venir faire du théâtre, de la guitare ou je ne sais quoi à la demande des élèves? Oui, alors vous sembliez dire que les élèves sont déçus en quelque sorte. Oui. Mais moi je voudrais vous demander quel est l'état d'esprit des professeurs en face de cette demande des élèves. Ça dépend beaucoup de l'âge des professeurs, ça dépend beaucoup aussi de l'expérience qu'ils ont. C'est très compliqué. Je vais vous faire une image. Depuis quelque temps, je me représente ce qui se passe chez nous et ailleurs, un petit peu comme Le songe d'une nuit d'été, la pièce de Shakespeare, vous voyez. Il y a là plusieurs couches sociales qui se côtoient, qui se superposent encore, bien que la hiérarchie veuille être un petit peu abolie. Et vous avez d'autre part au sommet les dieux. Chez les dieux, on ne peut pas dire que tout aille pour le mieux, pour le meilleur du monde. Obéron et Titania, tout de même, ont de petits accrochages. Et je crois que dans l'ensemble de cette grande pièce, on ne sait pas très bien dans quel sens, finalement, les choses se termineront et si l'amour, finalement, l'emportera. Oui, et on attend des autres un peu. Et on attend un petit peu trop des autres, sans voir que tout ceci est imbriqué et que c'est ici et maintenant que chacun doit commencer et faire ce qu'il aime comme il l'aime avec élan. Vous êtes en train de dire quelque chose qui n'est peut-être pas évident. Au fond, est-ce que beaucoup de professeurs souhaitaient changer quelque chose à leur manière de faire? Je crois que la question elle commence là. Beaucoup voulaient changer et avaient, si vous voulez, une énergie qu'ils n'arrivaient pas à employer dans les structures précédentes. Beaucoup, enfin je ne peux pas vous dire le pourcentage, mais un nombre certain de gens. Tous ceux, enfin, qui représentaient l'avant-garde, qui écrivaient des articles, qui déjà depuis longtemps avaient préparé mais sans avoir fait de promenades dans les rues et de barricades. Ils sont ceux qui ont vu dans les barricades, au fond, ce qu'ils avaient toujours annoncé calmement comme possible. Enfin, ils n'avaient pas prévu dans le détail, mais enfin, ils pensaient bien que ça allait craquer d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et puis, d'autre part, il y a évidemment tous les gens qui souhaitaient timidement faire les choses, je crois. Ça, il est incontestable qu'un certain nombre de gens qui étaient trop timides, qui n'affleuraient pas suffisamment à eux-mêmes, ont saisi cette occasion au vol et ont essayé. Je vois par exemple des collègues qui ont demandé à faire des expériences de classe pilote. Certains étaient de ceux dont on pensait qu'ils allaient le demander, mais certains étaient au contraire de ceux dont on ne pensait pas du tout qu'ils avaient envie de le demander. Ils se sont révélés à eux-mêmes, dirais-je. C'était très souvent de grands timides, des gens un peu embarrassés dans leur relation à autrui. Là, ils ont trouvé une justification et ils ont éclaté jusqu'à eux-mêmes. Et puis, il y a sans doute ceux qui ne désirent effectivement ne rien changer. Ah oui, alors ceci, ça existe aussi, très certainement. Et alors là, le dialogue est assez difficile, je pense, avec les enfants. Encore, les enfants me paraissent pleins de charité. D'une certaine manière, ils pensent qu'après tout, peut-être on les a mal formés, j'ai entendu dire ça. Et puis, ça n'est pas peut-être complètement faux. On les a peut-être mal formés dans le passé. Quelqu'un disait un jour à des enfants, écoutez, moi, il y a 20 ans que j'enseigne comme cela. Et les enfants disaient, eh bien, au vrai, si pendant 20 ans, on l'a trouvée satisfaisante pour l'éducation nationale, on ne voit pas en quoi elle peut s'imposer à elle toute seule une révolution personnelle. Ils sont magnifiques, ces enfants. Oui, j'ai trouvé qu'elles étaient assez psychologues. J'allais dire, elles ont du bon sens, mais là, j'induisais quelque chose qui dépasse la charité. Oui, elles étaient tolérantes. Je pense qu'elles pensaient aussi que c'était un problème de société, finalement. Que la prise en charge de la formation des maîtres, ça n'appartient ni à l'individu, qu'il soit futur professeur ou qu'il soit actuellement professeur, ni aux élèves, enfin, ni même aux familles. C'est vraiment un problème d'éducation nationale, enfin. La rentrée, cette fois, on y est. Politique intérieure, élections présidentielles américaines proches, faits divers, l'actualité, quoi. France Inter, 7h, Intermatin, au micro, Michel Forgit, Jean Stricker, Bernard Valette, Paul Laporte. Et pour commencer, les titres de l'actualité. Vietnam, nouvelle rumeur d'un arrêt des bombardements, nouveau démenti de Saïgon et de Hanoï. Le voyage du général de Gaulle en Turquie prend fin aujourd'hui. Le budget de l'éducation nationale adopté à main levée par les députés. Le SMIC augmenté de 2% à partir du 1er décembre. Procès Picard, hier réquisitoire, 10 ans de détention. Verdict ce soir. 15 blessés dans un accident à la fête foraine de la foire de Bordeaux. L'arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam est-il pour aujourd'hui ? On a pu le croire un moment après la nouvelle réunion à Saïgon entre le président Thieu et l'ambassadeur Bunker. On disait même qu'ils se seraient mis d'accord hier soir sur un texte commun annonçant la cessation des bombardements. Et pourtant, nouveau démenti du président sud-vietnamien. Mon pays, a-t-il dit, ne peut prendre la décision d'arrêter les bombardements. Le Nord-Vietnam a montré qu'il n'était pas prêt à faire un geste de bonne volonté, c'est-à-dire à consentir à une désescalade de la guerre. Il y a aussi cette déclaration du quotidien officiel nord-vietnamien Nhan Dan. L'administration Johnson veut faire croire à des progrès dans les négociations pour aider M. Humphrey dans sa campagne électorale. Pour Hanoï donc, pas de marchandage avec Washington. À Washington, entretien secret entre Johnson et le général Abrams, commandant en chef des forces américaines au Vietnam. À la fin de la réunion, la Maison-Blanche a fait savoir qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation vietnamienne. Voilà donc la situation, nous en sommes là, rumeurs et démentis. Peut-être des précisions dans la journée après la nouvelle séance des conversations américano-nord-vietnamiennes de l'avenue Kléber. Nixon-Humphrey, Humphrey-Nixon, après la remontée enregistrée du vice-président des États-Unis, on ne sait plus qui des deux hommes a le plus de chances de remporter la course à la Maison-Blanche. Monsieur Nixon a reconnu qu'une poignée de voix en plus ou en moins pourrait signifier sa victoire ou son échec. Quant à Monsieur Humphrey, il s'est déclaré ravi hier soir du soutien que le sénateur Eugene McCarthy a décidé de lui accorder. L'affaire Markovic suite, le Yougoslave a été tué d'une balle dans la nuque. Il s'agit d'une balle de 9 mm. Étant donné l'importance du calibre, les enquêteurs sont presque sûrs maintenant que le crime a été commis par des gens du milieu, par des truands. Prolongement de l'enquête à Rome, l'inspecteur Amar a poursuivi hier soir l'interrogatoire de Zorina Milosevic, la sœur du premier gorille d'Alain Delon assassiné. L'inspecteur Amar serait en possession de nouveaux détails susceptibles de faire progresser l'enquête. 15 blessés, dont 4 grièvement atteints, c'est le bilan d'un accident survenu hier soir à la foire aux attractions de Bordeaux. L'accident qui s'est produit sur un rotor de la fête foraine a été provoqué par une rupture de joint alors que le cylindre tournait à 40 km à l'heure. À Paris, la tour Eiffel va avoir une concurrente. Le président du conseil municipal a signé hier l'autorisation de construire un gratte-ciel de 56 étages, hauteur 200 mètres, coût 650 millions de francs. Ce gratte-ciel sera construit sur l'emplacement de l'ancienne gare Montparnasse. Hyundai Falcon 5 est mort hier en Grande-Bretagne. Il s'agit du taureau le plus populaire d'Angleterre. Il avait donné naissance à 50 000 vaches. Il était tellement populaire qu'il avait été surnommé « leur père à toutes ». Hyundai fécondait 1000 vaches par semaine dans ses meilleures années. Il est mort en laissant 7500 commandes en suspens. Beaucoup d'orphelins. C'était les années 60, document INA Annie Lozana, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourtet. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents rendez-vous de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.